devant. En presque, tu te mets dans 19 vues, la vie devant. J'ai quitté le 7, 8 de ma ville d'avant. Touche 31, soleil, le vent, fume. Merde, ton rendez-vous. Je pourrais jamais oublier ce coup de fontaine du 10 janvier. Mon grand frère au bout du fil me dit: viens, t'es où je viens? Ma réponse sera l'anglais, la part sociale, bâtiment 1, ouais. Mais là, je suis sur le sol, un peu malade, on se voit demain. La merde, ouais. Si j'avais su qu'il allait damer parmi les damnés, la gamelle du condamné. Mandat d'amener pour long séjour, fonce en apnée. Un bon et un charbon, il paraît qu'un type avec des commets. Et le téléphone ressonne, la daronne assommée. Du mal à lâcher les consonnes, la tristesse au sommet. Sale scène qui se dessine, l'homme diplômé l'a assassiné. Stéphane, ton frère aîné, part en cabane pour 12 années. Bienvenue, Toulouse, Eldorado. Comme quitter ce bateau pour se pouler, il m'écoulait sur le radeau. Toulouse, Eldorado, mais en regardant. Le même ciel noir tornado, la merde, le même mordant. Tous Eldorado, les mêmes rêves pour pas un radis. Quand t'es au vigile et roto, les mêmes fous veulent ton paradis. Tous Eldorado, sur la rocade de l'anglais à la croix dorade. J'pense qu'à ces instants tornado, j'aurais jamais oublié cet enfant de pute. Ton flingue sur ma tempe, entouré de ses potes, rue du Mairie, le doigt sur la détente. J'étais pourtant dans les temps pour cette soirée patate. Celle qui est tapant au bout du compte qui m'attend à leur pétante. Alors j'sors de la boîte, ouais. Ils veulent un tête-tête, comme on dit, mais ils me sont nique la molette. Donc je sors la lame de dindy, y'a de nous deux. Black Bomb, il devient bandit. C'est un gun qu'il brandit, mais n'a pas les couilles pour pas dire. Coup de crosse, meuf la partie. 3 ans sont déboulés. Pris du boulevard à se croiser, c'est la vengeance que je dois débouler. J'arrive parmi la foule, et sur le coup, il est resté cloué. Il regarde sa femme cool, mais sous mes coups, c'est écroulé. Bienvenue, Toulouse, Eldorado. Comme quitter ce bateau, bout de boule, il m'est coulé sur le radeau. Toulouse, Eldorado, mais en regardant. Ici le même, c'est noir tornado. La merde, le même mordant. Toulouse, Eldorado, même reste pour pas un radis. Roto, gilet, roto. Le même fou veulent ton paradis. Toulouse Eldorado, sur la rocade de l'anglais à la croix dorade. Je pense qu'à ces instants tornado. Toulouse Eldorado, on me disait: j'ai vu une ville plus rouge que rose, un tas de vices brisés. Toulouse Eldorado, le même clochard sans rien à miser. Le même médisant pour qui la misère reste pas risée. Toulouse Eldorado, les mêmes faux types à maîtriser. Les mêmes condés en balade qui croyaient tout pouvoir mépriser. Toulouse Eldorado, avocat commis d'office blasé. Seuls les mêmes qui pèsent sortiront de façon aisée. Toulouse Eldorado, les mêmes parloirs crado. Les mêmes vies qui se bradent pour manger leur repas plateau. Toulouse Eldorado, y'a toujours pas de tirer sur le gâteau. Les mêmes types de ghetto, les mêmes promenades à rue de couteau. Eldorado, la même catin sur le trottoir. Le même pantin à terre, comme dans la terre qui dit juste trop tard. Toulouse Eldorado, les mêmes soirées qui partent. Ça part au quart de tour pour finir chez les lardons. Toulouse Eldorado, de plus en plus haut dans le radeau. Les mêmes qui suivent les créneaux que la prison fait prendre des grades. Les mêmes mannes, les mêmes scènes, les mêmes médecines malsaines. Les mêmes armes, les mêmes zones, les mêmes la scène. Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado, misère, Toulouse Eldorado. Bienvenue, Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado, et Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, Toulouse Eldorado, c'est Toulouse Eldorado.